Psaume numéro 124. Paix sur Israël, qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Il est inébranlable, il demeure à jamais. Jérusalem, des montagnes l'entourent. Ainsi le Seigneur, il entoure son peuple, maintenant et toujours. Jamais le sceptre de l'impie ne pèsera sur la part des justes, de peur que la main des justes ne se tende vers l'idole. Sois bon pour qui est bon, Seigneur, pour l'homme au cœur droit. Mais ceux qui rusent et qui trahissent, que le Seigneur les rejette avec les méchants.